Chapitre 26e. Je vous attendais, me dit celui-ci. Je vous aurais fait prévenir si vous n'étiez pas venu. Que se passe-t-il donc? Monsieur de Lincy est très fort. Oh, il est très fort. Il s'est informé de la manière dont sont placés les capitaux de Madame de Lincy. Eh bien, ne sont-ils pas inaliénables? Sans doute. Et c'est bien cela qu'il hérite. J'ai appris, continua-t-il, que votre santé s'est raffermie. Vous sentez-vous en état de recevoir une violente commotion ? Il le faut bien, dis-je. D'ailleurs, après ce que j'ai appris ces derniers jours, qu'y a-t-il ? Le notaire fouilla dans un tiroir de son coffre-fort, en tira une simple copie de lettre et je lus ce qui suit. Mon cher persécuteur, en réponse à votre dernière lettre, je me vois forcé de vous révéler le véritable état des choses. Malgré les belles apparences, Lincy était fort hypothéqué, vous le savez mieux que personne. J'ai conclu un mariage qui ne m'assurait presque rien en fait d'avantages présents, mais qui m'offrait une fort belle position dans un délai que la mort prévue de mon beau-père devait rapprocher. Je regardai le notaire, qui me fit signe de continuer. J'obéis. Mon beau-père, au lieu de mourir, se porte comme un charme, et moi, par contre, je me trouve dans les plus mauvais draps. J'ai trouvé quelques bonnes âmes qui, se basant sur l'état précaire de la santé du père de ma femme, m'avaient avancé des fonds. Le rétablissement de ce monsieur rend leurs créances très mauvaises, et naturellement c'est moi qui en suis victime. Je n'insiste pas sur l'indélicatesse que commet mon beau-père en ne trépassant pas dans les délais voulus, mais il faut que vous m'aidiez à obtenir un renouvellement de ces créances, ou quelques garanties, ou enfin quelque chose qui me sorte de mon pétrin. La copie s'arrêtait là. Je repliai le papier, je le remis au notaire. Il a la plaisanterie aimable, dis-je d'un ton dégagé. Comment vous êtes-vous procuré ce précieux document ? Il haussa les épaules. On se procure tout ce qu'on veut pourvu qu'on y mette le prix, répondit-il. Eh bien, que pensez-vous de votre gendre ? Je le trouve charmant. Mais cela ne m'étonne nullement de sa part. Je ne pouvais pas attendre autre chose. Qu'allons-nous faire ? La dot de Madame de Lincy ne court aucun danger, me répondit évasivement mon conseiller. Fort bien, mais il n'en appert pas moins que Monsieur de Lincy a des dettes probablement considérables. Sa terre patrimoniale a été vendue 6 semaines après son mariage, vous le savez. Donc il vit actuellement des 25 000 francs de rente que lui a apporté ma fille, à moins qu'il n'ait d'autres ressources que j'ignore. Le notaire fit un signe négatif, je continuai. Il doit être criblé de dettes nouvelles, car il avait besoin avant-hier de 10 000 francs que ma fille m'a demandé pour lui. « Vous avez refusé, j'espère, » dit mon interlocuteur. « J'ai accédé, et ma fille lui a remis cette somme de la main à la main. » Mon notaire se leva et fit 2 tours dans son cabinet. « Permettez-moi, mon cher client, de vous dire que cette conduite n'est basée sur aucun raisonnement. Si vous donnez ainsi de l'argent, sans reçu, à la première réquisition, vous laissez s'organiser contre vous une exploitation régulière. » Je fis un signe d'assentiment. « C'est absurde. » « Oui, d'accord, mais si c'est à ce prix seulement que je puis obtenir le repos de ma fille, je n'ai pas hésité. » « Mais cher monsieur, c'est du chantage alors. » « Parfaitement. » Le notaire fit encore 2 ou 3 tours. « Et ensuite ? » dit-il en s'arrêtant devant moi. « Ensuite ? » Que voulez-vous que je vous dise? Le roi, l'âne ou moi, nous mourrons, comme dit le fabliau. Mais moi, vivant, je ne puis souffrir que ma fille soit malheureuse quand je puis acheter sa tranquillité à poids d'or. Et quand vous serez entièrement dépouillé? Sans doute alors il me laissera l'emmener quelque part où nous achèverons de vivre en paix, pauvres mais heureux d'être ensemble. C'est de l'aliénation mentale, s'écria le digne homme. Je ne puis permettre à mes clients de dissiper ainsi leur fortune. Faites prononcer une séparation. Ce moyen me répugne, repris-je, mais en dernier recours. Non pas en dernier, en premier. Est-il possible que vous hésitiez un moment? Il me démontra si bien les avantages de la séparation que je restais ébranlé. Certes, il m'en coûtait de voir ma fille, à 18 ans, condamnée pour toujours à ignorer les douceurs de la vie de famille et de la maternité. Mais cette perspective, si triste qu'elle fût, était encore préférable à celle que, dans mon désespoir, j'avais évoquée, l'abandon de tous mes biens pour obtenir la liberté d'avoir ma fille avec moi. « Pourquoi tous vos biens ? » m'avait dit le notaire. « Parce que tant que j'aurai quelque chose, il persécutera sa femme pour me le soutirer. »« Soit, » dis-je enfin quand j'eus écouté la lecture du code et les conclusions de mon conseiller. « Que faut-il faire pour obtenir une séparation ? » Il y a d'abord les coups et sévices par devant témoins. Monsieur de Lincy, je l'espère du moins, n'est pas homme à frapper ma fille. Passons. Il y a l'adultère du mari, constaté par l'existence d'une maîtresse sous le toit conjugal. Ceci ne serait peut-être pas impossible, nous verrons. Et puis, il y a l'incompatibilité d'humeur. Mais si monsieur de Lincy a intérêt à conserver son pouvoir sur sa femme, il sera bien difficile de l'amener là. Enfin, réfléchissez, conclut le notaire. Causez avec votre fille, voyez ce qu'elle préfère. Si vous pouviez engager monsieur de Lincy à vous la rendre, sans bruit et sans scandale, cela vaudrait beaucoup mieux. Sans doute, mais je n'attends rien de lui. Même en le payant très cher? Peut-être. Je reviendrai vous voir. Merci. Je le quittai navré et j'allai chez mon avoué. Celui-ci me reçut avec les démonstrations du plus vif intérêt et parut parfaitement au courant de l'affaire, ce qui ne laissa pas de m'étonner. Comme je lui faisais part de ma surprise. « Oh ! Me dit-il, depuis 2 ou 3 mois, on s'attend à quelques résolutions semblables de votre part. » Monsieur de Lincy est lancé dans un genre de vie très dissipée. Madame de Lincy est digne de tous les respects. On pensait bien que vous ne pourriez pas tolérer cet état de choses. On ? Comment on ? Qui donc ? Mais tout le monde, ou à peu près. Vous étiez, comme il arrive toujours, le seul à ne pas connaître le caractère véritable de votre gendre. J'appris alors que les renseignements obtenus par moi sur le compte de monsieur de Lincy avaient exactement la valeur de ceux qu'on obtient sur ses domestiques quand on a la faiblesse de croire à la validité des renseignements. Tous ceux qui avaient quelque intérêt à voir mon gendre faire un beau mariage, pour être débarrassés de lui ou de ses billets, tout cela, amis, créanciers, tenanciers, voisins, avaient chanté le concert de l'ange qui m'avait étourdi. Depuis son retour à Paris, M. de Lincy, qui avait commencé par vendre Lincy pour se débarrasser d'hypothèques par trop exigeantes, s'était jeté à plein corps dans la vie qu'il avait toujours rêvée. Il aimait tout ce qui coûte de l'argent. Il aimait les soupers bruyants, les femmes plâtrées, l'ivresse des liqueurs, la frénésie du jeu. Jusqu'à son mariage, il avait soigneusement dompté ses appétits brutaux afin de se faire un piédestal de sa bonne réputation pour faire un mariage riche. Depuis, il se rattrapait, comme il le disait lui-même, sans se gêner. « Et voilà, m'écriai-je, pourquoi ma fille n'a pas de voiture, pourquoi elle porte toujours les mêmes robes depuis son mariage, pourquoi... » Je restais atterré, et la tête dans mes deux mains, je maudis ma folie, mon imbécilité. « Que faire ? » dis-je machinalement. « La séparation ?»« Certainement, conclut mon légiste d'un ton joyeux. Il voyait une bonne affaire et moi je voyais le nom de ma fille livré aux feuilles publiques. Je sentais la raillerie des regards méchants sur le visage innocent de ma Suzanne. Après tout, mieux valait encore l'esclandre, puisqu'il était nécessaire, que le martyr prolongé, la lente agonie de mon enfant dans les mains impures du misérable auquel elle était liée pour la vie. J'annonçai mon intention de réfléchir et je rentrai chez moi. Après 1 heure de méditation, je sortis et je me rendis chez mon gendre. Il était absent, ma fille aussi. Je laissai ma carte avec l'ordre de la remettre à M. de Lincy seul. Par quelques mots au crayon, je lui demandai un entretien particulier pour le soir même ou le lendemain matin. Puis je rentrai chez moi afin de mûrir mon plan de campagne.